Go, go, la review dit presse JB. Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, PodCloud, Deezer et YouTube. C'est pas sexy Sarah ça? C'est pas sexy choucroute Sarah ça? Je suis retombé sur un numéro de Joystick datant de 1994, un dossier de Moulinex qui nous parle justement de la réalité virtuelle. Si vous êtes un vieux routier, un vieux lecteur de la presse jeux vidéo, vous savez que ça a toujours été une marotte, ça. La réalité virtuelle revenait régulièrement, on nous promettait monts et merveilles. Et j'ai trouvé ce papier très intéressant, puisque là, on vit vraiment, en 2018, une période assez particulière pour la VR, puisqu'on ne sait pas trop, en fait, où on va. On n'est pas dans le fiasco total, mais on n'est pas non plus dans un engouement exceptionnel. Et donc, retomber sur ce papier a été quelque chose d'assez rigolo. Donc, ce dossier de Moulinex, daté de 1994, est intitulé « Voyage dans le monde de la réalité virtuelle » et je m'en vais prestement vous le lire. Réalité virtuelle, l'expression en elle-même est pour le moins fascinante. Mais qu'est-ce au juste? Le fait même qu'un nom aussi flou soit imposé prouve que la VR est un fourre-tout dans lequel tout le monde jette pêle-mêle ses fantasmes techno. Il est vrai que des mots comme informatique ou image de synthèse font peur, de par son côté onirique, laissant penser qu'il est peut-être possible de passer de l'autre côté du miroir. La réalité virtuelle permet à monsieur tout le monde d'appréhender les technologies modernes avec plus de sérénité. On ne sait pas trop ce que c'est, mais l'expression est plaisante. D'un point de vue technique, les interfaces utilisées dans la réalité virtuelle, que ce soit des lunettes, des casques 3D ou des gants tactiles, permettent à leurs utilisateurs de s'immerger dans un monde virtuel, un monde qui n'existe pas, mais que la technologie actuelle permet de rendre aussi réaliste que possible. Aussi, non justement. Et la boucle est bouclée. La réalité virtuelle ne serait-elle finalement qu'une représentation du réel, un peu ratée ? L'opposition des termes eux-mêmes ne serait-elle qu'un raccourci pour illustrer cette bizarrerie qui pousse les humains à vouloir créer la vie avec des machines, alors que tout couple en état de marche peut le faire en deux temps trois mouvements, plus les préliminaires. Les sociétés actuelles laissent de moins en moins de place pour l'initiative individuelle, mais heureusement, la réalité virtuelle arrive à point nommé pour nous permettre d'agir. On ne peut plus s'interfacer efficacement avec son environnement réel ? Qu'importe ! On invente un nouvel environnement. Il est peut-être un peu tordu, un peu moins beau que le vrai, mais dans celui-ci, le seul maître à bord, c'est nous. Alors le virtuel, ça sert à quoi? À se passer du réel. Mais attention, de l'autre côté du miroir, tout est inversé. Salut les reflets. Ça, c'était l'intro de Moulinex, qui, je suis pas d'accord sur tout, très franchement, mais qui est assez rigolote à lire. Et donc le dossier se poursuit avec plusieurs paragraphes présentant diverses technologies, diverses approches, notamment le Hang Glider de la société Evans et Sutherland, qui permet de se livrer, nous dit-on, à un survol de Los Angeles peu banal. À 30 cm du sol, vous voilà suspendu, nous dit l'article, dans un harnais hybride. Vous introduisez la tête dans une boîte qui abrite un écran. C'est l'immersion totale. Vous voilà en train de survoler Los Angeles en 2050. Aux commandes d'un deltaplane, les capteurs situés sous la barre de direction et au niveau de vos pieds analysent les mouvements et modifient les séquences de vol en conséquence. Les images, créées à l'aide du CDRS, comprenez Conceptual Design Rendering Software, sont calculées en temps réel par le ESIG 2000. Quand on pense que ce calculateur spécialisé dans la simulation date de 1991, on imagine ce que peut donner le dernier modèle, l'ESIG 4000. En option, le Hang Glider peut recevoir des interfaces de visualisation stéréoscopique et un mur d'images composé de 100 écrans HDTV, la télé haute définition. Ouh. Côté son, la simulation n'est pas en reste, car le système utilise un système d'écoute en 3D composé de 4 enceintes spatiales. Incroyable. Juste plus bas, on nous parle donc de voyage virtuel, et que du 8 au 11 décembre, donc dernier, ce qui nous ramène en 1993 finalement, s'est tenue à Paris l'exposition Voyage virtuel, organisée par les trois Suisses. Excusez-moi, ça me fait rire. Organisée par les trois Suisses en collaboration avec Silicon Graphics France et notre confrère actuel, Voyage virtuel a permis de découvrir de nombreuses applications ludiques ou artistiques liées à la réalité virtuelle. De nombreuses applications présentées dans ces pages pouvaient y être essayées. À première vue, on pourrait se demander quel est le rapport entre les trois Suisses et le sujet qui nous intéresse. En réfléchissant un peu, il est évident qu'aujourd'hui on peut choisir sur catalogue, sans le toucher réellement, un objet ou un vêtement, simplement en se basant sur sa représentation photographique. Ensuite, on passe sa commande par Minitel et l'on paye au moyen de sa carte de crédit, c'est-à-dire avec de l'argent qui n'existe pas. Les trois Suisses qui sont en ce moment en train de financer la construction d'un gigantesque studio de traitement d'images pensent très sérieusement au futur. Un jour prochain, de chez vous, avec une télé interactive sur laquelle sera peut-être branché un casque d'immersion, votre copine pourra utiliser un catalogue en 3D. Elle posera les vêtements sur une représentation tridimensionnelle d'elle-même qu'elle aura faite au 3D maton du coin ou en se plaçant devant son visiophone après s'être connectée à un service spécialisé. Et un algorithme calculera le plissé et le tombé des fringues. Elle pourra essayer des vêtements à distance. Déjà, certains coiffeurs utilisent la retouche d'images sur palette graphique pour montrer à leurs clientes une prévisualisation d'une coiffure ou d'un maquillage. Je trouve ce paragraphe exceptionnel. Voilà. Quand on voit comment ça évolue aujourd'hui, je trouve ça très très savoureux. On nous parle d'un casque qui suscite beaucoup moins d'intérêt, qui s'appelle le Stunt Master. On nous explique que c'est un casque donc de réalité virtuelle pour Nintendo. Alors pour Nintendo, comprenez pour Super Nintendo. L'article nous dit « Admirez le design, le look futuriste et tout. Contentez-vous d'admirer parce que ça ne sert à rien. Il s'agit simplement d'un écran tout bête que vous vous collez à 5 cm des yeux. Ce n'est pas stéréo et surtout, si vous tournez la tête ou regardez en l'air, l'écran suit. » Autant se scotcher un téléviseur sur la tête. Ça fait penser au radio réveil ringard en forme de lecteur de compact disque, mais c'est bien plus cher. À 450$ la bestiole, ça va nous faire du 4000 ou du 4500 francs lorsque le distributeur se sera sucré. Réalité virtuelle, non, mais vraie arnaque. Et j'ai mené ma petite enquête, que je ne connaissais pas ce casque. Je vous avoue que j'avais complètement oublié son existence. Et ce Stuntmaster existait aussi pour Mega Drive. Et visiblement, un modèle était même compatible pour les deux machines. Visiblement, c'était quand même de la grosse daube, hein. On va pas se le cacher. Et là, on nous parle maintenant du Cybertron. Alors pour moi, Cybertron, c'est la planète où se trouvent les Autobots et les Decepticons dans Transformers. Mais là, on nous parle du Cybertron, une machine qui a été présenté à l'exposition donc Voyage virtuel et au dernier SIGGRAPH de Los Angeles. Cybertron est la version réelle de la machine vue dans le film Le Cobaye. Réalisé par le Cyber Heaven Group, cet engin permet de se trouver plongé dans un univers de synthèse pour que l'utilisateur se sente vraiment coupé du réel. Ses yeux sont recouverts d'un casque et hop, c'est parti. Celui-ci l'emmène dans une guerre galactique aux commandes d'un vaisseau armé de lasers. Comme dans un jeu vidéo classique, les adversaires arriveront droit vers le pilote. Plus que la vue, le sens qui nous permet d'appréhender certaines situations est l'équilibre. Aussi, afin de parfaire l'impression de mouvement, l'utilisateur est installé dans une sorte de gyroscope qui lui donne l'illusion de se trouver en état d'apesanteur. Pour que l'immersion soit parfaite, il faudra également ressentir les chocs ou les pressions. Pour le moment, il n'existe pas vraiment de combinaison appropriée, mais on y pense. Alors là, on voit des images 3D assez rudimentaires, mais ça avait l'air passionnant pour l'époque. Et là, pour la dernière partie de ce dossier, je vais vous parler d'un parc dédié à la réalité virtuelle qui était prévu aux États-Unis. J'ai passé plusieurs heures à faire des recherches sur le net, pas moyen de retrouver sa trace, ni de succès, ni d'insuccès, ni d'ouverture, ni de fermeture. Impossible. Donc, si certains d'entre vous ont entendu parler de ça, vous me direz, et de quoi je vous parle, me demanderez-vous. Je vous parle de VOR, V-O-R pour Vision of Reality, un parc à thème dédié à la réalité virtuelle qui donc devait s'ouvrir, et donc le dossier de Moulinex nous en parle. Il nous dit, en ce moment même, est en train de se préparer en Californie une révolution qui risque de modifier les habitudes de bon nombre d'Américains en matière de loisirs et même d'Européens, car le projet est d'envergure. Nom de la chose, VOR, V-O-R pour Vision of Reality. La société du même nom se propose en effet d'ouvrir dans le monde entier des lieux entièrement dédiés à la réalité virtuelle. Mieux que ça, ces endroits seront de véritables parcs de loisirs organisés comme des parcs à thème. On pourra s'y promener et acheter de nombreux gadgets et naturellement jouer, jouer et encore jouer, en bénéficiant de tout ce que la technologie a à offrir dans ce domaine. Présent sur le marché de la réalité virtuelle depuis près de 3 années, VOR, ou VOR, hein, a su s'entourer de partenaires prestigieux pour réaliser le rêve de la nouvelle génération. Rien que ça. Les fonds sont le fait d'investissements privés et du Black Diamond Group basé à Irvine, en Californie. Les partenaires techniques sont déjà connus pour leur expérience en la matière. Hein. On annonce la participation technique de Silicon Graphics, responsable des effets spéciaux de Terminator 2, Abyss ou l'incontournable Jurassic Park, Kaiser Electro-Optic, hein, qui quant à lui fournira les casques de visualisation, le VIM ou Vision Immersion Module, qui est la Rolls des casques apparemment. Il faut dire que Kaiser Electro-Optic, nous dit Moulinex, équipe déjà les viseurs tête haute et les casques 3D des simulateurs de combat de l'armée. Les modèles de casques utilisés à VOR seront de type LCD couleur, permettant à l'aide de senseurs de faire varier les prises de vue en fonction de l'angle de la tête. Pour le logiciel, VOR s'est entouré de Sense 8, hein, créateur du World Toolkit présenté dans ses pages, et de Gemini Technology. Le parc offrira l'opportunité d'essayer de nombreux types de simulations virtuelles, batailles intergalactiques, simulations de chars, hélicoptères, Jet et bien d'autres choses encore développées dans le plus grand secret. Le parc, qui devrait être du type POP, Pay on Price, donc, permettra donc, après s'être acquitté d'un prix d'entrée unique, de se plonger totalement dans un univers résolument novateur. À l'entrée, les visiteurs, après avoir reçu leur badge d'accréditation, se verront équipés d'un position tracker qui permettra aux ordinateurs se chargeant des différentes simulations de les suivre et de connaître en permanence la position de leur corps. Alors, certaines activités requerront également le port de Data Gloves, des gants permettant là aussi d'analyser finement un mouvement de la main afin que votre main virtuelle puisse se saisir d'objets tout aussi virtuels. Le premier VOR devrait ouvrir au printemps 94, mais d'ici là, une salle destinée à tester le matériel sera mise en place à Orange County à l'heure où nous écrivons. C'est-à-dire 0h04, 16 décembre 93, la salle en question est prête à accueillir ses premiers visiteurs. Il peut sembler curieux, voire inconscient, de se lancer dans une telle aventure, mais les responsables de VOR semblent confiants. D'après eux, un parc de ce type coûte à peine plus cher à créer qu'un parc classique. Mais en revanche, la maintenance y est beaucoup moins chère qu'avec les attractions mécaniques habituelles. De plus, le prix d'entrée, en dessous des tarifs pratiqués habituellement, devrait permettre de drainer plus de monde. Et puis, il faut bien dire que, comme tout Californien allumé qui se respecte, les créateurs de VOR croient au rêve. Comme le déclare Dan Rice, le PDG de VOR, « Tout le monde a vu la réalité virtuelle au cinéma et à la télévision. » Et tout le monde en a rêvé. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que le rêve est devenu réalité et que les rêveurs l'ont emporté sur les sceptiques. Voilà ce que disait M. Dan Rice. Moulinex poursuit en nous disant qu'il faut laisser ses rêves envahir la vie, sinon la vie risque d'envahir vos rêves. Tel est le message, hein, d'après lui, que VOR veut faire passer. Cela dit, poursuit-il, le commerce reprend très vite ses droits et VOR, qui souhaite tirer des bénéfices fructueux de l'affaire, abritera également la Flight Academy, financée par la Naval Aviation Museum Foundation. Ce centre dans le centre sera la caution entre guillemets sérieuse du parc. On y prodiguera des conseils aux jeunes pilotes et des sessions spéciales destinées aux écoles en visite retraceront l'histoire de l'aviation civile et militaire. Engagez-vous, engagez-vous. Ce musée permettra également de se familiariser avec l'histoire de la conquête spatiale. C'est à l'astronaute Eugene Cernan, dernier homme à avoir marché sur la Lune, que reviendra la tâche de mettre en place cette partie du musée. L'endroit permettra également de s'essayer au pilotage d'un vaisseau spatial simulé sur une station Silicon Graphics Onyx. La chose appelée Cybergate utilisera une reproduction de cabine de 2,50 m sur 3. Naturellement, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant du déroulement de l'opération. Il se pourrait même qu'on aille y faire un tour là-bas un de ces jours. J'ai fait énormément de recherches. Pourtant, je ne pense pas être le dernier, hein, au niveau de la recherche, sur Internet, et je n'ai trouvé aucune trace des sociétés qui sont citées, des personnes qui sont citées, du nom du parc. J'ai rien trouvé. Donc, si vous, ça vous dit quelque chose, que vous avez lu un autre papier sur la question, n'hésitez pas à m'en parler. En tout cas, je tenais vraiment à vous parler de ce dossier réalité virtuelle, car je le trouve vraiment très amusant. Il est ludique à lire, je me suis régalé et j'avais envie de vous faire partager ça ce matin. Je vous donne rendez-vous donc lundi pour attaquer une nouvelle semaine de la revue de presse JV. N'hésitez pas à partager, à propager la bonne parole. Merci encore mille fois pour votre soutien et je vous souhaite un excellent week-end. Allez, bye bye.